La loi sur la transition énergétique prévoit la limitation des gobelets verts et assiettes jetables en matière plastique à l'horizon 2020 chez nos voisins français. Il ne sera alors plus possible d'acheter des assiettes, des verres, des tasses ou encore des couverts en plastique dans les commerces. L'objectif de cette loi est de lutter activement contre le gaspillage et de promouvoir l'économie circulaire. Pour rappel, en France, on jette chaque année près de 5 milliards de gobelets en plastique, soit 150 par seconde. Après l'interdiction des sacs en plastique en juillet dernier, celle de la vaisselle en plastique serait un nouveau grand pas en avant dans la lutte contre le gaspillage et la pollution. La France serait alors le premier pays à adopter une telle mesure. Voilà qui pourrait et qui devrait même donner des idées aux autres pays. Au Brésil, les ouvriers d'un chantier ont fait une rencontre assez particulière au cours de ces derniers jours. Ils ont en effet fait connaissance avec un gigantesque anaconda de 10 mètres de long et d'environ 400 kilos qui a été découvert lors d'un dynamitage. Les ouvriers ont estimé que le diamètre de l'animal était d'environ 1 mètre. Ils ont été très critiqués après avoir essayé de tuer l'animal au lieu de le libérer dans son espace naturel. Personne ne sait finalement ce que le reptile est devenu, mais les images qui ont circulé sur le net sont tout simplement impressionnantes. En avril dernier, un python de près de 8 mètres de long et de 250 kg avait été découvert en Malaisie, mais sa taille et son poids n'ont jamais été officialisés par le Guinness Book des records. Le record appartiendrait donc toujours à un python baptisé Médusa, 7,67 m, 158,8 kg. Il avait été repéré au Kansas aux États-Unis il y a peu. L'art de la glisse est loin d'être une affaire d'hommes. Nos amis à quatre pattes l'ont une nouvelle fois prouvé il y a quelques jours à l'occasion de la 8e édition du Surf City Surf Dog. Et oui, ça existe. Des concurrents de races et de tailles différentes ont affronté les vagues sur une plage de Californie. Au programme, pas de figures spectaculaires, mais des jolies démonstrations observées de près par un jury. C'est un chien brésilien qui a obtenu le premier prix. Du côté de la météo de ce week-end, on peut s'attendre à un week-end avec un temps mitigé, un ciel partagé entre la pluie et quelques rayons de soleil. Les températures se situeront entre 16 et 18 degrés suivant les régions. Un retour à un temps plus sec et plus ensoleillé est prévu en début de semaine. Belle journée avec nous sur Fun Radio et tout de suite, c'est que du fun jusqu'à 10h. Le journal des bonnes nouvelles. So far. tout le monde. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand. Maintenant, c'est le moment de lever et de râler. On prend toute l'actualité de la semaine et on prend ce qu'on a aimé et ce qu'on a détesté. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est les Diables Rouges. Ils vont changer d'hôtel. Ils vont s'installer à Tubize, au Martin's Wed. Et oui, effectivement, un super établissement avec des chambres équipées d'écrans plats, Wi-Fi disponible. Il n'y a pas de balcon, par contre, pour les joueurs. Tu sais pourquoi ou pas, Kaufman? Pour éviter qu'ils aient fumé. Ouais, j'avais même pas que les joueurs de foot fumaient, moi. Il y en a un, à N'Golan, en l'occurrence, qui fume, mais des écrans télé, du Wi-Fi, généralement ça dans tous les hôtels. Maintenant, je vois pas ce qu'il y a d'exception. Effectivement, le patron de l'hôtel a précisé que pour eux, la nourriture est naturellement moins grasse, donc pas de cook pour les sportifs le matin. Ah. Ça, c'est une mauvaise nouvelle quand même, les cooks le matin c'est important. Non ah bah écoute, que ce soit sportif ou pas, un petit pain au chocolat, un petit croissant, un petit peu de confiture, un petit peu... Enfin c'est vrai que si on commence par ça, on n'en finit plus à la fin. Effectivement, donc on espère que ça va permettre aux Diables Rouges d'être en forme pour gagner leur match de la semaine prochaine. Toi Kaufman, tu as râlé. Bah oui, et moi je vais râler contre une chaîne française, en l'occurrence France 2, ah. Parce que France 2 a commis l'irréparable en rayant la Belgique et le Luxembourg de la face du monde. Et oui, mardi soir, France 2 diffusait l'émission Tout le monde joue avec la France, une émission de Nagui et Stéphane Bern. Ouais. Et les producteurs de l'émission ont visiblement aussi un peu joué avec la géographie. La carte des frontières de la France a tout bonnement rayé la Belgique et le Luxembourg. On ne les voyait plus à l'image. Ça a ému un maximum de monde. La toile a réagi. Les Belges se sont levés, ont crié, mais rien n'a changé. Et la Belgique et le Luxembourg ouais. ont été rayés de la carte. Par contre, eux, les vaches sont émeus, par contre. Hein, donc ça marche aussi, t'inquiète pas, Kaufman. Probablement, ouais. Ouais, France 2 qui ont enlevé ça, c'était ouais, cette semaine, ça. C'était un prime time avec un quiz, fallait répondre à des questions. Exactement. T'as regardé ou pas? Ah oui, j'ai regardé et quand j'ai vu que la Belgique avait disparu, j'ai téléphoné, je dis France 2, remettez-moi la Belgique. Ils m'ont dit pas possible. Bah, j'ai dit écoutez, je zappe et ils ont perdu un téléspectateur. Allez, dans quelques minutes, on va s'intéresser au web, destination web, Kaufman. Et oui, on s'envolera vers l'internet et on parlera pour commencer de YouTube qui lance une nouvelle application. On en parle après Rihanna et Drake sur Fun Radio. Happier than us these days. Yeah. These days I don't know how to talk to you. I don't know how to be there when you need me. It feels like the only time you see me is when you turn your head to the side and look at me differently. Yeah. And last night I think I lost my patience. Last night I got high as the expectations. Last night I came to a realization, and I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. I don't know how to talk to you. Things that I miss.

une nouvelle étape en développant une application pour regarder des vidéos tout en étant hors ligne. L'application s'appelle YouTube Go. Il est donc possible dorénavant de sauvegarder des vidéos pour les regarder une fois hors ligne. Imagine, t'as envie de regarder des ouais. vidéos pendant un voyage pour les enfants par exemple quand ils sont derrière. Plus besoin d'être connecté à l'internet, suffit de te connecter, de dire ah bah voilà les vidéos que je veux emporter avec moi, et une fois que t'es dans la bagnole, boum, tu lances les vidéos et t'as la paix pour au moins quelques heures. Ouais, ça m'est arrivé plein de fois, j'avais plus de 3G, plus de 4G, donc je pouvais plus regarder YouTube, et donc avec ça on va pouvoir maintenant lire toutes les vidéos. Exactement, il faut évidemment se connecter à l'avance, choisir sa playlist, ouais. puis tu télécharges la vidéo qui se lit en local sur ton téléphone, sur ta tablette. Okay. Et en fait, l'application était destinée d'abord au marché dont l'internet fonctionne pas super rapidement et qui mettait du temps à regarder les vidéos. Et là, pour le coup, bah, ça va nous faciliter la vie en Europe. Et le nom de l'application, c'est YouTube Go. Disponible Android, iPhone. Exactement. Les deux sont disponibles. La totale. Dans quelques minutes, on va s'intéresser au sport. Et oui, les Belges vont jouer, les Diables Rouges vont jouer. Kaufmann va parier comme d'habitude. Il va sortir son argent comme d'habitude. C'est toujours la même mécanique. Et on va voir s'il va enfin avoir les bons paris. Parce que maintenant, c'est un peu bancal. Une fois sur deux, on a les bons paris. Hein. C'est pas ce que tu disais la semaine dernière, d'ailleurs. J'attends toujours ton virement. Hein, mais bon. On évoque tout ça juste après des euros sur Fun Radio. Tu as entre 17 et 29 ans? La sécurité routière te tient à cœur? Tu as envie de rejoindre l'équipe des Responsible Young Drivers? Tu désires participer à de nombreux événements pour changer les mentalités et au passage sauver des vies? Alors rejoins-nous vite sur ryd.be. Pour qu'on te présente toute l'équipe des bénévoles. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son dance floor. Fun, 7h-10h sur Fun Radio. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, sabrosito. Lopez arrive sur Fun Radio. Maintenant, on s'intéresse au sport. On va parier avec Kaufmann. Je sais pas si tu es au courant, Kaufmann, mais là, c'est les sélections nationales au football qui jouent cette semaine. Oui. Tu es prêt à parier sur les équipes nationales? Avant d'être prêt à parier, j'aurais dû peut-être appeler mon banquier histoire de voir si je pouvais augmenter la somme de mon découvert. Mais oui, je suis prêt à parier, à prendre tous les risques et à vous donner les bons pronostics pour la victoire ou pas, peut-être. Jeudi, il y a un gros match Italie contre l'Espagne. La victoire de l'Italie cotée à 3.1, c'est-à-dire que si tu mises 1 euro, tu gagnes 3 euros. Le match nul, 3.1 aussi, et la victoire de l'Espagne, 2.45. Écoute, l'Italie à domicile, très difficile à prendre, belle défense, le Catenaccio, elle sera de la partie. Je dis quoi? Le Catenaccio. C'est quoi ça? C'est l'art de la défense italienne. Ah ok. Ouais. Mais je t'apprendrai encore des choses dans cette émission, t'inquiète pas, je donne l'Italie vainqueur. Ok, l'Italie vainqueur. On va prendre un autre match, France contre la Bulgarie, victoire de la France 1.18, match nul 6.25, victoire de la Bulgarie 15. Bah la France, évidemment, la France à domicile. se doit de se racheter. De quoi, j'en sais rien, mais ils vont se racheter quand même. Un autre match, Pays-Bas contre Biélorussie, victoire des Pays-Bas 1.2, match nul 6.5, victoire de la Biélorussie 12. Ah, pour le coup, les Pays-Bas, eux, doivent se racheter puisqu'ils n'étaient pas à l'Euro précédent, donc forcément, ils vont devoir tout donner là. Bah oui, Pays-Bas, vainqueur. Et un match serré, les Diables Rouges contre la Bosnie, victoire de la Belgique 1.4, match nul 4.5, victoire de la Bosnie 6.7. Mais je rigole, match serré, pas du tout, les Diables Rouges ont à cœur de commencer leur campagne avec une belle et grande victoire. Je donne donc, et j'aurais bien aimé que tu mettes l'hymne national à ce moment-là, mais c'est pas grave, je donne donc la Belgique vainqueur. Belgique vainqueur, donc pour toi, Belgique, Pays-Bas, France et Italie. Ouais, je prends pas beaucoup de risques en fait. Ouais, c'est vrai, tu peux mettre 10 euros, sinon tu vas tout gagner, hein, je pense, Kaufmann. On est bien, dans quelques minutes, on va s'intéresser à la télévision. Il y a une nouvelle émission qui revient, ça va être un truc de fou, Kaufmann. T'aimes la cuisine? Ah, j'adore ça, et mon ventre est là pour en témoigner. On vous explique tout ça juste après, Jennifer Lopez. I ain't gonna be cooking all day, I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together, I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. I ain't your mama, no. Wake up, arise and shine. Oh yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Qui arrive. Et là, on fait un tour du côté de la télé. Une nouvelle émission va revenir, une émission de cuisine. Kaufmann, tu regardes un petit peu la cuisine à la télé? Ah, moi, tout ce qui est top chef, master chef, grand chef, petit chef, sous chef, moi j'adore. Et là, il y a une émission avec Philippe Etchebest. Tu connais ou pas? Etchebest. Etchebest, j'ai jamais réussi à dire son nom à lui. Ah ouais, lui c'est le charisme, c'est celui qui gueule à la télévision. Effectivement, il va animer l'émission Objectif Top Chef. Alors, il fait une sorte de concours. Ah, j'adore. Pour avoir un mec amateur dans Top Chef. Top Chef, c'est pour les professionnels. Et lui, il cherche quelqu'un d'amateur pour intégrer ce concours-là de Top Chef. Et la première fois qu'il a fait ça, souviens-toi, il avait recruté un petit jeune qui avait été quand même assez loin dans le concours et qui a quand même reçu les félicitations du jury. Bon, il choisit toujours bien le petit Philippe. Ah, il a le nez, là. Il a le pif pour ça. Troisième saison qui commence sur RTL TVI à partir du 17 octobre. Ça arrive dans quelques jours, là. Ah oui, bien. Donc c'est parfait, ça va te mettre en condition, Kaufman. Je vais devoir apprendre de nouveau. Moi, j'apprends à cuisiner. En fait, j'essaye de faire les mêmes plats en même temps qu'eux. Seulement, j'arrive jamais dans le temps imparti. Donc je finis 4 heures après la recette et 4 heures du matin. L'émission s'est déjà arrêtée. Mais bon, comme le disait Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer. Pierre de Coubertin. Ah oui, maintenant on est dans la philosophie. Allez, écoute, dimanche matin, on peut tout se permettre, mon ami. Effectivement, dans quelques secondes, le fun game. Le fun game, on vous parlera d'un jeu de foot qui prend le contre-pied de tous les autres jeux de foot. Et croyez-moi, ça vaut son petit pesant de cacahuètes. On en parle juste après Lost Frequencies sur Fun Radio. I follow. Mountain high and river low, I follow. Take me to the bottom, drown me in love, wherever you go. Mountain high and river low, I follow. It's a beautiful, beautiful life. Beautiful, beautiful life. Beautiful, beautiful life with you. See that girl with the big tic tac, she fi gimme the head to the floor, girl, gimme the bend over, girl, and gimme the spit down to the ground, seismic activity, spin round me, girl, and gimme the top wine, girl, and gimme the body look fine, girl, gimme the coming out, waste some time, girl, gimme the body look good, girl, you ever be winning it, turn it up right, girl, you never be dimming it, take up your body, cause you're in your element, body body may take up a permanent residence. Trumpets blow. a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pony body, me take up a permanent president. Trumpets blow. Jonas Blue qui vous accompagne. Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Kaufman. Oui, vous avez Facebook, vous ne savez plus quoi faire, que chercher. Eh bien, on a le bon tuyau ce matin. Vous tapez C'est que du fun, vous rejoignez la fanpage. On vous invite, hein, c'est gratuit. En plus, 22 000 personnes ont déjà rejoint les rangs du fun game et ça ne cesse de croître tous les jours. Une véritable armée qui se construit autour de cette émission et ça nous fait plaisir. Concours, news, vous pouvez y déposer vos messages aussi ou plus directement également au 3044 pour 50 cents le message. Vous nous envoyez, eh bien, l'humeur du matin, par exemple. Allez, en ce dimanche matin, comment vous sentez-vous? Est-ce que ça va aller? Est-ce que vous préférez rester au lit? En tout cas, on est là pour vous réveiller lentement, doucement, mais sûrement. On parle du fun game dans quelques secondes. Oui, on parlera de football, un jeu qui fait, mais l'inverse de tout ce que fait, tout ce que font les grands jeux de foot, à savoir PlayStation Pro Evolution Soccer ou FIFA 17. Franchement, c'est un jeu à découvrir et qui, à mon avis, va vous faire plaisir. On en parle juste après ça sur Fun Radio. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us.

Et là, c'est l'heure du fun game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le fun games avec Kaufman de Smart Toys. L'actu jeux vidéo, le samedi, le dimanche, on vous donne bien le condensé de l'actualité. Et là, on va commencer par un jeu de foot qui prend le contre-pied de tous les autres, à savoir BFB Champions Global Kickoff. Rien que le titre, il prend le contre-pied de tout le monde. Dur à dire. En effet, un studio japonais s'est en effet écarté des chemins conventionnels et réalistes pour nous faire gérer les héros de notre enfance, réels ou non. Ainsi, nous pouvons recruter l'illustre joueur Diego Maradona, El Pibe de Oro, mais également le super entraîné Olivier Hatton. Olivier Hatton. Ouais, tu sais d'où il vient ? Non, je sais pas du tout. Olivier Tom, le dessin animé. Le titre promet d'allier la gestion bien connue des jeux de ce type à un côté franchement arcade, plus adapté au support mobile. Il s'agira en pratique de recruter les meilleurs joueurs de la planète, de les entraîner à travers de multiples mini-jeux avant de les faire jouer contre d'autres équipes en solo comme en multijoueur. C'est un jeu à découvrir, j'ai pu essayer la bêta, c'est franchement un bon moment de rigolade. BFB Champions Global Kickoff, c'est le petit coup de cœur de ma semaine vidéo ludique. En quelques minutes, on a encore des infos fun game tout au long de l'émission. Oui, on aura peut-être des scoops sur une suite qui arrive, Destiny 2 en l'occurrence. On parlera aussi de sport, on parlera du Saral Salove. Bref, on va se régaler en ce dimanche matin. Merci de nous avoir choisi. On est là jusqu'à 10h. Et là, avec le journal des bonnes nouvelles. Le journal des bonnes nouvelles. Bonjour à tous, on entame ce journal des bonnes nouvelles avec un petit tour en Russie. Des passants et des policiers de Moscou ont eu affaire à un drôle d'énergumène. Un homme qui se promenait tout simplement nu dans les rues de Moscou a été arrêté par la police. Les agents qui se sont chargés de son arrestation avaient été prévenus par des passants qui avaient croisé le chemin de l'homme qui se parlait à lui-même et semblait carrément sous l'influence de la drogue. Quand ils l'ont retrouvé, ils ont décidé de le menotter à un poteau qui se trouvait tout près en attendant l'arrivée de l'ambulance qu'il venait d'appeler. Une fois l'homme attaché, il n'a rien trouvé de mieux que d'esquisser les mouvements de pole dance que des passants ont décidé de filmer. On ne sait cependant pas très bien si l'homme était vraiment en train de danser ou s'il tentait simplement de s'échapper. Il a finalement été emmené à l'hôpital où des traces de drogue ont été retrouvées dans son sang. La vidéo a quant à elle fait le tour des réseaux sociaux. En Malaisie, un vendeur a connu une drôle de mésaventure. Vendeur de peluches depuis 15 ans, cet homme a essuyé un coup dur qui aurait carrément pu être fatal à son activité. On parle d'un homme qui est âgé de 65 ans et qui vient de se remettre d'un cancer qui avait été diagnostiqué l'an dernier. Il a reçu fin septembre une vaste commande de 250 peluches à l'effigie de Pokémon. Rien d'inquiétant jusque-là, si ce n'est que l'ennui, c'est que le mystérieux client n'est jamais venu ni payer ni récupérer sa large commande. Il a fort heureusement pu compter sur l'aide d'un internaute qui a lancé un appel sur Facebook, qui n'a pas tardé à être entendu. L'infortuné vendeur a vendu 190 jouets en un peu plus de 2 heures. Depuis, des dizaines de personnes passent le saluer chaque jour dans les rues de Kuala Lumpur. Il vend même près de 500 jouets en une journée. Grâce à cette mobilisation, il a pu déménager et même offrir des études universitaires à son fils. Dans le Tennessee, une quinzaine de femmes se réunissent chaque jeudi dans une église pour une activité pas comme les autres. Ces femmes se font appeler les Bag Ladies, ou si vous préférez, les Dames au sac. Le but de ce rendez-vous, recycler des sacs en plastique pour en faire des matelas destinés aux personnes sans abri ou nécessiteuses. Elles découpent des sacs en plastique en bandes pour en faire des pelotes qu'elles déroulent ensuite au crochet pour en faire des matelas de l'épaisseur d'un tapis de sol. Même si la tâche semble facile, il faut assembler 6 à 700 sacs pour réaliser un seul matelas de 90 par 180 cm. Cette année seulement, les Bag Ladies ont déjà achevé 88 de ces drôles de paillasses. 52 000 sacs en plastique sont passés entre leurs doigts. Un smartphone a battu un record du monde de la diffusion en direct en altitude. Accroché à un ballon équipé d'un appareil photo, ce téléphone a atteint 18 421 mètres d'altitude, entrant ainsi dans l'histoire du Guinness Book des records. Le constructeur chinois de ce smartphone a déclaré que le but de cette expérience était de créer une solution fiable pour que le téléphone puisse supporter des conditions de température extrême. Avouez tout de même qu'un petit passage dans le Guinness des records, ça fait de la pub pour tout le monde. Et puis du côté de la météo, on peut s'attendre à un week-end avec un temps assez mitigé, un ciel partagé entre la pluie et quelques rayons de soleil. Les températures se situeront entre 16 et 18 degrés suivant les régions. Un retour à un temps plus sec et plus ensoleillé est prévu pour le début de la semaine. Belle journée avec nous sur Fun Radio et tout de suite, c'est que du fun jusqu'à 10h. Le journal des bonnes nouvelles. À travers mon innocence, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa lui pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle, est belle. Mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime, je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer, je suis français. Je pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne. Je préfère ne rien voir comme Amadou et Marianne. Je t'invite à manger un bon muffin chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée, chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français, chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser, chez moi, je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Non, peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc. Je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne. Fier d'être le fils de Monsieur Diallo. Éternellement insatisfait. À suivre. The Parakeet, c'est le son parfait pour se réveiller sur Fun Radio. C'est l'heure du Saral Salove, on prend l'actualité, on regarde ce qu'on a aimé et ce qu'on a détesté. Kaufman, tu as lové sur quoi toi cette semaine? J'ai lové, tu peux le dire, mais j'ai lové avec émotion, avec tendresse. Oh, c'est beau. Je vais vous parler de Réa, le perroquet déplumé qui est devenu d'un coup d'un seul la star du net. Réa, je vous trace un petit peu les contours de l'histoire. Réa, petit perroquet de son état, a perdu toutes ses plumes à la suite d'une maladie qui va sans doute... Qui va sans doute quoi? Bah, qui va sans doute le tuer. Ah mince. Ah bah oui, sa maîtresse a posté quelques images de lui qui ont fait le tour du web. Car le petit perroquet, il a été pris en pitié par les internautes. Et pour lui rendre hommage, sa maîtresse a créé un compte Instagram où les fans encouragent le petit volatile. Vous cherchez Réa, R-H-E-A. Vous allez voir ce petit perroquet complètement déplumé. On a envie de le prendre dans ses bras, on a envie de lui faire des câlinous, des bisous. Mais on a envie de surtout lui donner du courage. Effectivement. Moi, j'ai râlé Kaufman. Jack Johnson, ça dit quelque chose ou pas? Jack Johnson. Ouais. Non. Et c'est un adolescent britannique de 19 ans, presque comme les autres. Il a un objectif dans la vie. Oui. Ressembler à son idole. Ah bon, et c'est qui son idole? C'est David Beckham. Ah! Mais bon, le mec, il ressemble pas de base à David Beckham. Il a même pas un petit air de David Beckham. Il est plus David que Beckham, en fait. Il fait ça. Et donc, il a déboursé 35 000 euros. Pour ressembler à David Beckham. 35 000 euros, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est une belle somme. Ouais, c'est une belle somme. Alors pour l'instant, il a subi juste des injections sous-cutanées, une chirurgie plastique des lèvres, voilà, quelques petites opérations. Il en a encore pour 35 000 euros pour ressembler à David Beckham. Toi, t'as déjà voulu ressembler à quelqu'un ? À David Beckham, mais je me suis arrêté au premier 35 000 en voyant que la cause et la peine étaient perdues. Dites-nous au 30-44, à qui vouliez-vous ressembler étant jeune ? C'est quand même fou de mettre 35 000 euros pour ressembler à David Beckham quand même. Bah, qui reste lui-même, ça lui coûtera moins cher et ça peut-être il se portera mieux dans sa vie. Il sera psychologiquement peut-être un peu mieux. Ouais, je crois aussi. Dans quelques minutes, la nouvelle rubrique, tu peux ou tu peux pas, on en parle juste après The Parakeet sur Fun Radio. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. You saved me, saved me. Give me the ting, I make me rockin' at a dance. Once you do, I'm steppin' at a dance. Bonne matinée tout le monde, Sound of Legend qui arrive sur Fun Radio. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages au 30 44 50 centimes par message. On est aussi sur Facebook en direct, on vous répond vraiment en direct sur Facebook, la page Kaufman. C'est que du fun, hein, c'est comme le nom de l'émission, vous nous rejoignez et on vous répond directement au 30 44 pour 50 cents le message. Vous nous dites aujourd'hui, eh bien, comment votre dimanche se passe, qu'est-ce que vous avez projeté de faire. On sait qu'on est numéro 1 sur les gens qui font de la brocante. À la brocante, ouais. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui eux aussi s'apprêtent à aller à la brocante? Dites-le nous, 30 44 pour 50 cents le message. Dans quelques secondes, Tu peux pas, il y aura aussi le Fun Game Kaufman. Oui, on parlera de la TwitchCon qui va se dérouler ce week-end. Et le son Dance Floor, Son of Legend sur Fun Radio. Traverser l'Afrique ou parcourir l'Amérique? Dépêchez-vous, c'est le dernier jour pour profiter de jusqu'à 500 euros de réduction first minute. Neckerman, vous êtes en vacances? Ultraspot.be. Ah, la publicité radio, c'est formidable. Dans la publicité radio, les fromages ne sentent pas mauvais. Ils ont du caractère. Sentez-moi ça. Quel caractère. Et puis quand on boit dans la publicité, on fait... Oui, parce que les boissons sont beaucoup plus désaltérantes. Bref, la publicité radio, c'est formidable. Alors surfez sur ultraspot.be, votez pour votre spot favori et gagnez de super cadeaux. Ultraspot.be. Votre classement du meilleur de la pub radio. Formidable. Le son Dance Floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. Crashing. Hit a wall. Right now I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name but you're not around. Say your name, but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. Nobody by my side. Matinée, ça tombe bien, c'est que du fun, nous accompagne jusqu'à 10h sur Fun Radio. débarque sur Fun Radio. C'est l'heure du tu peux ou tu peux pas. C'est très simple, Kaufman. Je te donne des affirmations. Oui. Et tu me dis si on peut ou si on peut pas. Généralement, okay, je suis très très fort t'es à ce fort, jeu. Toi, t'es très fort là-dessus. Je sais pas si tu regardes les réponses dans mes feuilles d'ailleurs. Non, c'est parce que ma mère me disait tu peux, tu peux pas. Et bon, j'ai à peu près appris comme ça. Il est con celui-là. Allez-y au 30-44 pour donner votre réponse. Conduire en marche arrière à Glendale en Arizona. Est-ce que tu peux ou tu peux pas? À Glendale, tu peux. À Glendale, tu peux. Ouais. C'est sûr. Parce que les gens sont un petit peu barrés là-bas. Eh ben non, tu peux pas. Non. Une texte de loi toujours en vigueur dit que tu ne peux pas faire marche arrière. Ouais, je suis pas sûr. Parce que dans un parking à Glendale, tu peux rouler en arrière. Mais c'est vrai, je te la laisse celle-là. C'est bon, je te l'accorde. Uriner sur le pneu arrière d'une voiture, la main droite posée sur le véhicule en Angleterre. Est-ce que tu peux ou tu peux pas? Tu peux. Et ouais, tu peux. C'est quand même fou ça. Bah. Mais attention, faut réunir tout, hein. Donc c'est-à-dire, faut uriner, mais sur la pneu arrière, mais d'une voiture. Et avec la main droite, la main gauche ça marche pas. Hein. Mais tu sais pourquoi ils demandent la main droite? Non, je sais pas. Parce que comme ça, bah c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que tu peux pas tenir ton kiki en main, quoi. Bah et quoi? Il est... Oui, c'est vrai, c'est une possibilité. Entendre le bruit des criquets femelles, est-ce que tu peux ou tu peux pas? Où ça? N'importe où. Les... Ben non, il y a que les criquets mâles qui font du bruit. Ouais, il y a que les criquets. Oh, bien joué, Kaufman. T'es trop fort, toi. Ben écoute, j'ai un peu de culture, hein. Effectivement. Trouver des traces de cocaïne sur 100% des billets de banque américains. Américain. Ouais, américain. J'avais entendu ce sondage-là. Ouais, il y a beaucoup de cocaïne sur les billets. Eh ben non, tu peux pas. Non. Pas 100%, 90%. Ouais, seulement. C'est ça. C'était assez impressionnant le nombre de personnes. D'ailleurs, c'est parce qu'il y a beaucoup de trafic là-bas. On mangeait des fruits quand tu es carpophobe. Carpophobe. Carpophobe. À part pour le coup, je sais même pas ce que ça veut dire. Alors je vais dire non. Non, et effectivement, on peut pas. Carpophobe, c'est la peur des fruits. Ah, c'est fou ça quand même. T'as peur des fruits toi? Ah, une pomme. Imagine les types à la rue. Oh putain, une banane, non, pas un marché. T'imagines, ils passent devant une étale de fruits. Mais les gens gueulent. Toi, t'as peur de quelque chose ou pas, Kaufman? Je suis pas spécifiquement araignée, serpent, ça va? Serpent, j'aime pas trop. Araignée, je m'en fous. Mais tu peux toucher, ça te gêne pas? Et je peux leur toucher la tête, leur faire un câlin si tu veux. Mais bon, je suis pas extrêmement fan, on va dire. Ok, très bien. Dans quelques minutes, il y aura les infos télé, les infos jeux vidéo avec Kaufman. T'as ramené toujours plein d'infos, Kaufman. Oui, bien sûr, on parlera notamment de la TwitchCon 2016 qui se déroule hier, mais qui se déroule encore aujourd'hui. C'est un bon plan qu'on a à vous donner. Et on a toujours plein de cadeaux à vous offrir. Goodies et jeux vidéo sont au programme, comme chaque samedi, comme chaque dimanche. On a réuni le meilleur des cadeaux, le meilleur des infos. Tout ça dans une seule émission, et pour le coup, c'est que du fun. Bon réveil tout le monde, là c'est le son de Lion. Standing on a lonely road, take a breath, waiting for a sign. Something that would give me hope, cause the curves make me feel so fine. Oh, I won't stop, my dreams are about you. And I don't wanna wake up now. Now I can't stop thinking of your body above me for the rest of the night.

dimanche matin avec Fun Radio et le son de Major Lazer et Justin Bieber. Là, on fait un tour du côté de l'actu télé. Salimar Debruy. Est-ce que ça dit quelque chose ou pas? Salimar Debruy. Non, c'est un parfum. Salimar Debruy. Arrête, une personne, c'est une vraie personne. Arrête, ah oui, ok, ok. Son prénom Salimar, son nom de famille Debruy. C'est une nouvelle animatrice sur Plug RTL. Ah. Elle est arrivée il y a quelques jours sur Plug RTL pour présenter le Plug Music Battle. Tu vois ce que c'est ou pas, Plug Music Battle? Bah, j'imagine que c'est un concept de battle de musique. 6 batailles par jour, les téléspectateurs sont invités à voter pour leur clip favori et elle anime ça. Elle est toute jeune, Salimar Debruy. Tu vas pas regarder cette nouvelle émission? Le concept est pas très très très original, on va pas se mentir. Par contre, bon, on va laisser la chance au produit, on regardera peut-être une demi-fois. Ok, tu regardes une fois, tu me dis ce que t'en penses de la petite Salimar Debruy. Prochaine, pardon. Ok, c'est gentil, Kaufman, merci beaucoup. Je donnerai mon avis, si je peux être utile, je le fais avec plaisir. Et tu vas être utile parce que le fun game dans quelques secondes. Oui, on va vous donner un bon plan pour regarder aujourd'hui la TwitchCon 2016 sur vos petits écrans, ordinateurs et consoles. Et parle juste après Major Lazer et Justin Bieber sur Fun Radio. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. I will still be patient with you. Martin Garrix vous accompagne sur Fun Radio. Et dans quelques minutes, vous allez pouvoir gagner plein de cadeaux. Kaufman, t'as fait plein de cadeaux. Ah oui, goodies et jeux vidéo, si vous aimez ça, si vous avez une console chez vous, eh bien, c'est l'émission du week-end qu'il ne faut pas manquer. C'est que du fun va vous régaler, les amis. Ouais, il y aura aussi la grande box Fun Radio où on a mis vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc allez-y, ça peut tomber chez vous. On appelle au hasard en Belgique. Donc répondez, parce que c'est plusieurs fois qu'on ne nous répond pas, là, Kaufman. Ah oui, c'est un peu frustrant. Et quand on sait les beaux cadeaux qu'on a mis dedans, il y a de quoi faire plaisir à la famille, aux amis. Il y a de quoi faire plaisir, en fait, à tout le quartier, si vous voulez. C'est ça. Et on va faire plaisir aux gamers dans quelques secondes avec le Fun Game. Oui, on parlera de la TwitchCon 2016. On en parle juste après Martin Garrix sur Fun Radio.

sky. Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. And it's all testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy. Chanteur de la section d'assaut, Maître Gims, est avec nous sur Fun Radio. Là, on fait un tour du côté des jeux vidéo. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games, avec Kaufman de Smart Toys. Si vous connaissez les jeux vidéo, eh bien peut-être que vous connaissez Twitch. C'est un programme qui vous permet de jouer en direct devant soit votre famille, soit devant personne, soit devant des milliers de personnes. Ça permet de streamer ces parties jeux vidéo sur différentes consoles ou sur le PC. Et la TwitchCon 2016 se tient ce week-end, plus précisément du 30 septembre au 2 octobre, donc on est encore en plein dans la période. Et de nombreuses activités relatives à la plateforme de streaming se dérouleront tout au long du week-end. Stream de jeux par des personnalités connues dans le milieu du gaming, des jeux de plateau, des présences d'exposants indépendants et des gros jeux aussi. On va avoir des révélations sur des titres qui vont sortir. Tout ça est au programme des festivités que vous pouvez évidemment suivre en streaming, naturellement en vous connectant sur la plateforme ou sur internet, plus simplement twitch.com. Ok, parfait Kaufman. On va rester un peu dans les jeux vidéo, dans le web, destination web. Et oui, on parlera d'une start-up belge qui connaît encore le succès. Décidément, nous Belges avons le vent en poupe et on vous le prouve chaque week-end. Et on vous le prouve juste après Maître Gims sur Fun Radio. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Ma beauté ne me laisse pas. Ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Oui, ton retour est une délire. C'est une évidence, je sais ce n'est pas gagné d'avance, mais rien ne m'effraie plus que ton absence. À présent tu peux compter sur moi, tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté repose-toi, j'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté repose-toi, j'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes, j'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes.

Waouh, super, super, super. Tu fais quoi de beau ce dimanche matin à 8h54? J'étais en congé, j'ai dû déposer quelqu'un, maintenant je vais rentrer chez moi. Ah, t'es sur la route là? Non, je me suis arrêté. Ah, tu t'es arrêté, ok. T'es dans quel coin là sur la route? Bruxelles. Ok, parfait Redouane. Tu as envoyé quoi au 6322 Redouane? Star. T'as envoyé Star, t'es sûr de toi? J'hésite là. Ah, t'hésites un petit peu? Tu veux qu'on vérifie? Allez, attends, on va vérifier, c'est parti. Salut, c'est Maître Gims. Double fun. Bravo Redouane, tu repars avec tes places pour aller voir Maître Gims à Forêt Nationale, plus la réédition de son album Redouane. Ah, super, merci beaucoup, ça fait trop plaisir. T'es un grand fan de Maître Gims? Ouais, il gère. C'est quoi ta chanson préférée de lui? C'est la dernière, celle qu'on entendait dans des doubles fun, ça fait comme jamais. Vas-y, chante-la un peu pour voir, ça donne quoi? Je sais pas, c'est pas très bon là, en direct c'est chaud, non? Redouane, il fait le timide là, alors en rantaine il était chaud. c'est impressionnant de passer c'est toujours impressionnant de passer en direct. Hein. Bah bien sûr, et là tu repars avec tes places plus l'album, on t'envoie ça très vite. Redouane, ok? Super, tout grand, merci. De rien Redouane, avec plaisir, ne raccroche surtout pas, on prend tes coordonnées en rantaine, ça va? Super, merci beaucoup. Merci Fun Radio. Merci à toi, bisous, bon dimanche et fais attention sur la route, ok? Ouais, merci. Allez, on se retrouve dans quelques secondes avec Destination Web. Kaufman va faire le tour du web comme chaque week-end, le samedi et le dimanche. On est en direct, il est 8h55 sur Fun Radio. Bon dimanche à tous, bon réveil si vous venez de vous réveiller. Bon courage si vous travaillez, si vous allez sur la route, si vous allez en brocante. Il y a beaucoup de gens qui vont en brocante. Allez-y, à 3044 pour nous envoyer vos petits messages. On lit tout en direct et là c'est Kungs. Dans Fun Radio, c'est que du fun. I'm gonna wreck your back. Take my soul. Gonna wreck your back. Don't stay no. I'm gonna wreck your back. Take my soul. Gonna wreck your back. Don't stay no. Un son qui met de bonne humeur, Justin Timberlake sur Fun Radio. On s'envole vers le web, destination web, Kaufman. Chaque samedi, chaque dimanche, on vous ramène la quintessence, j'aime bien ce mot, la quintessence de l'actualité internet. Et là, on va parler encore d'une start-up belge qui est sous le feu des projecteurs. Son nom, PixSwap, c'est une start-up belge qui propose de choisir et d'imprimer des tableaux pour les encadrer et les placer carrément chez vous. Cette start-up a ouvert un site web depuis 2 ans sur lequel vous pouvez commander des cadres et des toiles, mais interchangeables. Ça veut dire que si vous en avez marre du décor qu'il y a chez vous, vous connectez sur leur site internet, vous choisissez une nouvelle toile et de là, vous changez ce qu'il y a dans votre cadre. Sur la page de PixSwap, on peut lire qu'en moins de 3 minutes, vous pouvez modifier la décoration d'intérieur de votre habitation. Personnellement, j'ai pas été jusqu'à commander, je suis honnête. Par contre, j'ai vu les résultats de certains utilisateurs. C'est franchement beau. Franchement, ça donne envie de mettre des cadres chez soi. Ça s'appelle comment ça ? PixSwap. PixSwap, pour être complètement précis, c'est une start-up belge qui a le vent en poupe, qu'il faut suivre, qui propose un site assez original, assez bien fait. Il y a déjà des modèles préconçus de cadres, de toiles, et donc ça vous facilite la vie. Ok, parfait Kaufman, dans quelques secondes on va jouer, on a plein de cadeaux à vous faire gagner. Goodies et jeux vidéo, j'ai l'impression de faire l'article, mais pas du tout, parce que c'est une passion et qu'on les donne avec cœur, ces cadeaux. Si vous aimez par exemple les jeux que vous avez envie de découvrir, World of Warcraft, que vous aimez les jeux de bagnole genre Assetto Corsa, ou que vous avez envie tout simplement de faire plaisir à l'un ou l'une d'entre vous, c'est possible. Hein, si vous avez envie de faire plaisir, par exemple, à votre petit ami, lui faire une petite surprise. Tiens, chérie, je t'ai gagné des jeux vidéo. À mon avis, c'est signe que votre couple va durer et que vous allez surtout avoir la paix parce que monsieur va beaucoup jouer. Restez bien là, ça se passe juste après Justin Timberlake sur Fun Radio. Got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. On lock the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes nowhere to hide, when I'm getting you close, when we move, well you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance. Shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. Go. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop. Just imagine. Fun Radio. Think I can fly. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. I'm a man, I'm rich enough for pride. I see a billion dollars in your eyes. Even if we're strangers till we die. I wanna run away. I wanna run away. Anywhere out this place. I wanna run away. Just you. Dimitri Vegas et Lagmac débarquent sur Fun Radio. C'est le moment de jouer au combien ça coûte. Le principe est simple, j'ai un prix en tête et Kaufman pose des questions pour retrouver l'objet et vous, au 63-22, vous devez retrouver l'objet. On a plein de cadeaux à vous faire gagner, on a dit des jeux vidéo. Ouais, des goodies et puis même des packs fun, enfin des objets fun radio, des objets collector. Donc n'hésitez pas à participer avec nous, David va nous donner son prix, ouais. Je vais lui poser des questions. Vous nous envoyez vos propositions au 63-22 pour 1€ le message, bah, qui ne tente rien à rien j'ai envie de dire. Et puis le jeu est plutôt sympa. Ouais, le prix du jour, 20€ Kaufman, ok. 20€. 20 Alors, euros. Est-ce que c'est un objet personnel ou professionnel ou privé, tiens? Privé. Privé. Est-ce que tout le monde en a chez soi? Oui. Est-ce que c'est un objet électrique, électronique? Non. Est-ce que c'est un objet qui sert aussi bien aux grands qu'aux petits? Oui. Est-ce que c'est un objet qu'on peut trouver en grande surface? Oui. Oui, t'as pas l'air convaincu. Bah, une grande, grosse surface, quoi. Une big, ouais. Ouais, un gros truc, quoi. Est-ce que ça se trouve dans une pièce particulière de la maison? Oui. Dans la cuisine? Non. Dans la manger? Non plus. La salle de jeu? Toujours pas. La chambre à coucher? Oui. La chambre à coucher? Oui. C'est pas électrique, c'est pas non. électronique. Ça peut servir aux grands comme aux petits. Ça ouais. se trouve dans la chambre à coucher. Est-ce que c'est un objet pratique? Ouais, pratique, ouais. Je peux ou dire décoratif? Non, pratique. Pratique. Donc tout le monde en a. Tout le monde en a, ouais. Ah ouais. C'est sûr. Je vais chez toi, j'en trouve. Et tu me fais peur quand tu dis c'est, ça. Et c'est pas des casquettes, hein. D'accord. Je dors rarement avec des casquettes, bien que ça puisse m'arriver. Hein. Quand je fais des cauchemars, j'ai besoin de ma casquette sur la tête. Et pour revenir à des choses sérieuses, est-ce que c'est des objets colorés? Ouais, ça peut être coloré, ouais. Ah, donc ça peut être toutes les couleurs? Ouais, ça peut être toutes les couleurs. Est-ce que ça peut être imprimé? Ouais, ça peut être imprimé, ouais. Donc ce sont des objets qui sont peut-être imprimés, qui sont peut-être de couleur, qui se trouvent dans la chambre à coucher, qui ne sont pas électriques ni électroniques, qui servent aussi bien aux grands qu'aux petits. Ouais, c'est ça, allez-y, hein. 6322 pour donner votre bonne réponse. On me dit une armoire, non ce n'est pas ça, on me dit un lit, ce n'est pas ça non plus. Allez-y, 6322, on a des jeux vidéo, faire gagner des goodies collector. On a également des nouveaux trucs Fun Radio qui sont arrivés en bas là. C'est vraiment des gros gros cadeaux qu'on a à vous offrir. 6322, 1 euro par message. Question Kaufman? Oui, est-ce que ça a à voir avec l'oreiller? À voir avec l'oreiller? Ouais. C'est-à-dire Est-ce que c'est une tête d'oreiller? Non, c'est pas une tête d'oreiller. Est-ce que ça a à voir avec le lit? Ouais, ça a à voir avec le lit. C'est plutôt ça ma question. Okay. D'accord, est-ce que ça se met sur le matelas? Ça se met sur le matelas? Ça se met sur le matelas. Oui et non. Bah, pas directement alors, dessus pas, alors. Pas directement, ouais. D'accord, est-ce que c'est un édredon? Un édredon? Ouais. Ah ouais, je connais même pas le mot. Un édredon sympa. Une couverture? Une couverture, non. D'accord, est-ce qu'ils peuvent être en satin? En satin? Ouais, ils peuvent être de tout, hein, tu sais. En coton? Ouais, aussi, c'est comme tu veux. D'accord. On voit que t'as jamais dormi dans une de satin, toi. Non, jamais. C'est doux, touché, ça fait plaisir. On me dit un oreiller au 6322. Non, c'est pas la bonne réponse. On l'a dit, un coffre avec tête d'oreiller, c'était pas la bonne réponse. Une couverture, c'est pas bon non plus. On me dit un drap. Non, ce n'est pas également la bonne réponse. Allez-y, 6322 pour donner la bonne réponse. Ce n'est toujours pas ça, Kaufman. Tu peux donner encore des questions pour aider les auditeurs? D'accord. On parlait des dredons. Ouais. Est-ce que tu sais ce que c'est un édredon? Un édredon? Ouais. Je vois vaguement, c'est un truc qui est vraiment chaud, je crois. Ouais. Très chaud. Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Ouais. Mais c'est pas la bonne réponse. D'accord. Hein. Je voulais être sûr, je me suis dit merde, j'ai peut-être donné la bonne réponse, il le sait pas. Non, un édredon, c'est D'accord. pas le mot que je cherche. Ok. Est-ce que le mot se rapporte de chouette? Le mot se rapporte de chouette, effectivement, ouais. Donc c'est dans la même étymologie? Ouais, c'est la même chose quasiment. D'accord. Est-ce que les filles peuvent en porter? Les filles peuvent en porter dans leurs cheveux? Ouais, bien joué, Kaufman, ouais. D'accord, bah je pense que j'ai. En fait, quand on met des élastiques, que les filles font ça, quoi. Effectivement, ça commence par quelle lettre? Par un C. Par un C, ça ressemble un peu à chouette, mais bon, il me manque une lettre en moins. C'est quoi ça? La chouette. Ah ok, je croyais que c'était le mot qu'on cherchait, mais. Non, c'est la chouette. Ah, c'est la chouette. Vous enlevez le H à chouette et vous trouvez la bonne réponse, en fait. Hein. Bah, allez-y, oui. 6322 pour envoyer la bonne réponse. On prend un gagnant juste après ça sur Fun Radio. Moi j'aime quand il n'y a pas trop de préparation parce que je rentre tard. Ah bah alors, notre pain de viande est parfait quand on a un rythme de vie très soutenu. Un petit... Ouh, oui, monsieur Marc. Car... C'est tout prêt. C'est vite fait. C'est tout frais. C'est bien vrai. Et voilà. Voilà, voilà. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, le pain de viande de 1 kg est à seulement 5,79€. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Allô? Bonjour madame, je vous appelle de 2130 pour vous dire merci de trier vos boîtes de raviolis. Oui, c'est ça. Mais si, grâce à ce que vous faites aujourd'hui, le futur est vraiment super sur Terre. Et on continue à innover avec le recyclage des emballages métalliques. Oui, vous faites des voitures volantes. Mais c'est très sérieux. D'ailleurs, je suis dans un tunnel transdimensionnel et je... Quoi? Vous êtes dans une voiture volante? Maintenant? Allô? Curieux? Likez Faust Plus sur Facebook et entrez en contact avec le futur. Faust Plus, pour le futur, continuons à bien trier. But I like this fun. Fun radio, we got them on. It sounds hot. Fun radio. No matter. No matter if I cry, I'm out to earth. Not say all day. Bun bun, evidence is buns bun. Dun dun, bet you wanna taste it. Bun bun, bet you wanna taste it. Get your chitty dun dun dun. Bun bun, evidence is buns bun. Dun dun, bet you wanna taste it. Bun bun, bet you wanna taste it. Get your chitty dun dun dun. She

moi malhabile. Toutes ces secondes qui filent, la vie qui nous prend là dans ses filets. Prenons le temps qu'il faut, tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Hey. We don't need to run, run, run, run, run. When the problem come, when they come, they will come. We can overcome, come, come, come, come. So fun, make it fun, make it fun. We can overcome, come, come, come, come. Yeah. Everybody's always in a hurry. Everybody's always in a hurry. Everybody, everybody. Souvent je rêve que vienne le temps des moments doux comme la soie. Combien d'étés reste-t-il ici-bas? Face au temps, on n'a pas le choix. Combien d'amour reste-t-il à nos bras? Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Hey. We don't need to run, run, run, run, run. When the problem come, when they come, they will come. We can overcome, come, come, come, come. Hey. We don't need to run, run, run. Can be so fun, make it fun, make it fun. We can overcome, come, come, come, come. Hey. Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Hey. Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Hey. We don't need to run, run, run, run, run. When the problem come, when they come, they will come. Merci de passer votre dimanche matin avec Fun Radio. Le son Dance Floor continue. Quintino. Et là, on va découvrir la bonne réponse au combien ça coûte. Et pour ça, j'accueille Marilyn qui est avec nous. Salut Marilyn. Bonjour. Ça va bien Marilyn? Oui, super. Tu fais quoi de beau ce dimanche matin Marilyn? Je vais faire une brocante. Une brocante? Tu vas la faire où la brocante? À 9 maisons. À 9 maisons, ok. Et toi, tu exposes ou tu vas juste voir comme ça? Un peu des deux. Ah, tu vas exposer et voir en même temps? Voilà. Ok, tu exposes quoi en particulier? Un peu de tout, des vêtements, des jouets. Ok, très bien. Tu comptes ramasser un peu d'argent aujourd'hui? Ça va aller? Ah, si on peut, c'est bon. Bien sûr, si on peut. Allez, Marilyn, le prix du jour, c'était 20 euros. Ça correspond à quoi pour toi? Pardon? Ça correspond à toi pourquoi? 20 euros, c'est quoi? Quel objet on cherche? Une couette. Une couette, voilà, j'attendais la bonne réponse, Marilyn. Magnifique, allez, on vérifie, Marilyn. Belle radio! Dance. Bravo, Marilyn! Tu repars avec super des cadeaux. Fun radio. T'es fan de jeux vidéo ou pas, Marilyn? Mon mari, oui. Ton mari, oui, bah parfait, on va envoyer des objets collector à ton mari alors, ça va? Super. On envoie ça très très vite, on prend tes coordonnées en antenne, ne bouge surtout pas Marilyn. Ok? Merci beaucoup. Et bonne foire et bon courage, j'espère que tu vas ramener un peu d'argent à la brocante. Merci. Allez, merci vous aussi, bonne journée. Merci, bisous bisous Marilyn. Pour la suite du son Dance Floor, ça se passera avec Quintino, il y aura aussi le Fun Game et la Grande Box Fun Radio. Il y a plein de choses à gagner dans cette Grande Box Fun Radio. 4 places pour Astérix, 2 places de cinéma, des goodies jeux vidéo. Et on a rajouté en plus une journée détente au terme de Grimbergen. Grande grande box Fun Radio à gagner avant 10h, restez bien avec nous, on est ensemble jusqu'à 10h en direct. C'est que du fun, il est 9h25. Et là, c'est Quintino qui débarque. Bon réveil, bon dimanche matin, tout le monde. Vraiment, merci d'être avec nous sur Fun Radio. You only come and go when you feel like it. Been at it for a while, but you won't commit. This inconsistent love is messing with my head. Love is messing with my head. Love is messing with my head. And it just ain't fair. You know I can't fight it. Put my hands all over your body. And if the stars don't shine, yeah, and if the moon feels Florida débarque dans quelques secondes sur Fun Radio. Et on s'intéresse aux jeux vidéo avec Kaufman. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games, avec Kaufman de Smart Toys. Et en l'occurrence, j'ai peut-être ce matin des scoops à vous révéler. Destiny, vous connaissez si vous aimez les consoles. On incarne un héros qui doit aller sur différentes planètes, combattre le mal. C'est un peu schématisé parce qu'on doit aller vite, mais c'est un peu le principe du jeu. Et beaucoup envisageaient une suite à Destiny, et Destiny 2 serait donc bel et bien en chantier. Mais il convient de manipuler les infos que je vais vous donner avec la plus grande précaution. Parce okay. que c'est peut-être des scoops ou peut-être l'intoxication, mais je pense, moi, si je les ai choisis, les infos, que c'est du solide. Okay, donc, ouais. que c'est vrai. Destiny 2, première info, pourrait bien voir le jour sur PC, permettant à son éditeur Bungie d'accueillir un nouveau public de joueurs pour sa licence. Cette information émanerait d'un employé d'Activision qui aurait divulgué cet élément communiqué en interne uniquement. Beaucoup de joueurs PC se plaignaient de ne pas pouvoir y jouer. Maintenant, peut-être qu'avec Destiny 2, les choses vont changer. Destiny 2, c'est la deuxième info, serait davantage un tout nouveau jeu qu'une continuité du précédent épisode. Il ne devrait pas être possible d'importer vos personnages du premier épisode dans le second. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ouais. Bungie envisagerait quand même des récompenses pour celles et ceux s'étant beaucoup investis dans le titre d'origine, puisqu'il y a eu Destiny, mais il y a eu aussi beaucoup de DLC qui ont renforcé le contenu, et ceux qui sont beaucoup investis recevront des récompenses. Destiny 2 ambitionnerait pas moins de proposer des planètes plus peuplées, avec davantage de villes, d'avant-postes, mais aussi de quêtes. Leur reboot de licence pourrait être majeur, c'est comme ça qu'on nous l'a vendu. Moi, j'y crois, j'ai bien aimé Destiny, on y a beaucoup joué avec les auditeurs de Fun Radio, et croyez-moi que si Destiny 2 sort, eh bien on fera pareil, on jouera encore beaucoup. Effectivement, merci pour les infos Kaufman. Dans quelques secondes, la grande box Fun Radio, on va appeler quelqu'un au hasard en Belgique, ça peut être vous, donc décrochez, c'est important parce qu'il y en a certains qui décrochent pas, hein, Kaufman. Bah oui, c'est un peu dommage, j'ai vu le nombre de cadeaux qu'on a à vous proposer, ouais, qu'il y a dans ces grandes box. Moi je vous dis, laissez votre téléphone sous la main, hein, et si vous voyez un numéro privé, parce qu'on appelle en numéro privé, bien sûr, eh bien là vous vous dites, ah Gaston, il y a peut-être la chance qu'il sourit. Gaston. Bah oui, c'est le prénom de mon chat. Très bien, tout ça, ça se passe juste après Pitbull et Florida sur Fun Radio. Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money, 3 Miami Boys, you know what time it is. Give me the green light, cause I'm ready to go, let's have a good time. What you waiting for, you only got one life, and we gon' live it up, so give me the green light, cause I'm ready to go. Wanna make you ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is, mommy, for you to give me the green light, so I can run through it like an easy pass. Find a G spot and step on the gas. Woo! Give me the green light, cause I'm ready to go, let's have a good time. What you waiting for, you only got one life, and we gon' live it up, so give me the green light, cause I'm ready to go. She ready, then I'm ready. Pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Lego. Give me what I ask for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. Serena Venus, flow of genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out. Take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. Fun. Le son Dance Floor. Excellent dimanche matin, en compagnie de Fun Radio et de C'est Que Du Fun, la suite du son Dance Floor du Alipa. Et vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, la page C'est Que Du Fun. Vous tapez C'est Que Du Fun en recherche, en table de recherche, et vous allez tomber sur C'est Que Du Fun. Je suis fatigué, dimanche matin, 9h37, on est en direct. Allez-y, on est plus de 22 921. Et il y a Julien qui nous a envoyé un message, et on lui souhaite un bon anniversaire tout le monde, si vous êtes né le dimanche 2 octobre. Vous pouvez aussi nous envoyer vos messages au 3044. Il y a quelqu'un qui nous dit, salut Fun Radio, pour moi aujourd'hui, c'est endurance de motocross, mon truc de fou ça, la motocross, j'ai toujours eu peur d'aller sur une motocross les amis, je tiens à vous le dire. Allez-y, 30-44, 50 centimes par message pour nous envoyer vos messages, on les lit jusqu'à 10h, on est en direct, il est 9h38, bon dimanche matin, bon réveil. Et là il y a la grande box qui arrive, la grande box Fun Radio, on a plein de cadeaux à l'intérieur, 4 places pour Astérix, 2 places de cinéma, des goodies jeux vidéo et une journée détente au terme Grimbergen, une journée pour deux, que des magnifiques cadeaux à vous offrir et on va appeler au hasard en Belgique, ça peut tomber chez vous. Et si ça tombe pas chez vous, je vous annonce une grande nouvelle. Juste après Dua Lipa sur Fun Radio. He calls me the devil, I make him wanna sin. Every time I knock, he can help but let me in. Must be homesick for the real, all the real estate gets. He probably still adore me, with my hands around your neck. Can you feel the warmth, yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah. It's the darker side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'll give you the

It's the weekend. Fun Radio. Fun Radio. Fun. En mode weekend. Fun Radio. Radio. Radio. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. The ones that hold the highest truth. And once we run the show, Merci d'être avec nous le samedi et le dimanche, 7h-10h, c'est que du fun sur Fun Radio. Et là, c'est l'heure de la grande box Fun Radio. La grande box Fun Radio, il y a 4 places pour Astérix, 2 places de cinéma, des goodies jeux vidéo et une journée pour 2 personnes au terme Grimbergen. Des beaux, beaux cadeaux dans cette grande box Fun Radio. On va appeler au hasard en Belgique. On a sélectionné déjà des numéros. Il y a Anto qui est déjà là. Ça va Anto? Mais très bien, et toi David? Ouais, je suis en pleine forme. Il fait un peu froid dehors, j'avoue. Donc j'espère qu'on va se réchauffer avec le bon son Dance Floor du week-end. Mais mystère. Par contre, le jeu qui va arriver là maintenant, ouais. Moi chaque semaine j'ai envie de le gagner, mais je rate à chaque fois. Je comprends pas, ça marche pas, j'ai pas la chance. On n'a pas pris ton numéro. Mais Anto, ça doit être ça. Oui, c'est pour ça. Je vais te demander un chiffre entre 1 et 4. Pour une fois, d'habitude, je demande à Kaufman, mais là je vais demander à toi, Anto. Entre 1 et 4. Ouais. 4. Le 4 ouais. Okay. Très bien, on appelle au hasard. Il faut répondre Fun Radio. Je vais poser une question. Quelle radio t'offre le plus de cadeaux? Il faut répondre Fun Radio. Et là, tu as gagné tous les cadeaux. Allez, on appelle au hasard. Le numéro que vous avez composé n'est. C'est un hasard, hein. Oui, c'est vrai. C'est un pur hasard, je te jure. Hein. On prend vraiment un numéro hasard. Et donc, le principe, c'est bien de donner le code Fun Radio, c'est ça? Ouais, c'est ça. Faut dire Fun Radio. Moi, je pose une question. Quel là, suspense, quel suspense. Pour l'instant, personne ne l'a gagné en un mois. Allez. Ça sonne. 9h51, on est en direct. Quel stress! C'est stressant, hein. Ouais, je trouve aussi. J'imagine quand ça sonne chez toi, tu dois dire putain, ça sonne. C'est ça. Ça sonne, c'est vrai. Allez, encore une sonnerie, sinon j'abandonne. On va faire les 4 en fait, non? Non, autant... je m'arrête là. Tu t'arrêtes là? Ouais, je m'arrête. C'est remis en jeu pour la semaine prochaine. C'est remis en jeu pour la semaine prochaine, mais une grande nouvelle. Moi je suis là, si tu veux. Je l'ai fait bien. Non, je vais annoncer une grande nouvelle parce que ça fait un mois qu'elle n'est pas gagnée, on appelle au hasard en Belgique. On va resserrer un peu les taux. Vous allez sur la page C'est que du fun maintenant et vous envoyez votre numéro de téléphone en privé. Et à partir de samedi prochain, je vais appeler au hasard quelqu'un qui aura envoyé son numéro en privé sur la page C'est que du fun. C'est okay? Bon, je l'ai fait, je viens de l'envoyer, c'est bon, c'est parfait. Et comme ça, voilà, au moins on va tomber un peu plus resserré, on va espérer tomber sur quelqu'un parce que j'ai envie qu'elle soit gagnée cette box Fun Radio. Il y a 4 places pour Astérix, il y a 2 places de cinéma, il y a des goodies jeux vidéo, il y a une journée pour deux au terme Grimbergen, il y a vraiment des beaux, beaux cadeaux. Et ça, c'est la classe parce que Grimbergen, j'y étais il y a pas très longtemps, c'est franchement l'endroit magnifique où il faut aller parce que pour se détendre et passer un week-end en amoureux, c'est the endroit. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment un très bel endroit. Donc vous envoyez votre numéro de téléphone sur la page C'est que du fun. Et à partir de samedi prochain, on va appeler au hasard parmi ces numéros. Donc là, vous avez une grande chance de gagner. Et on va appeler à partir de 9h30, 10h à chaque fois. On appelle toujours vers ces eaux-là. Là, on est réveillé à ce temps-là. Ouais, normalement, on est réveillé. Bon. Ouais. Donc voilà, vous allez sur la page C'est que du fun. Vous envoyez votre numéro. Et comme ça, on peut tirer au sort parmi les numéros sélectionnés. Pour nous, on se retrouve samedi prochain à 7h. 7h, 10h le week-end. J'espère que t'écoutes Anto quand même des fois. Hein. Mais bien sûr, à partir de 9h30 quand je me réveille. Ça se réveille 9h30. La chance celui-ci, putain, il se réveille à 9h30. Le samedi, dimanche, 7h, 10h, c'est que du fun. Anto va prendre les commandes maintenant de Fun Radio, c'est bon, t'es prêt? Mais je suis au taquet parce que comme je disais tout à l'heure, on va se réchauffer un peu, on va réchauffer un peu l'ambiance parce qu'il fait un peu caillant ce soir, ce matin plutôt. Ah c'est le mec, tu reviens de soirée toi en fait. Il est déjà en vacances ce gars. On va se réchauffer, on va passer la matinée ensemble. Effectivement, et là je vous laisse avec Fast Movement, nous on se retrouve donc samedi prochain, 7h, 10h le samedi et le dimanche. Bonne semaine tout le monde, ciao, ciao, ciao et bon courage Anto. Salut David. Bisous. Getting wild, get them bottles poppin'. We get that drippin', that drop out. Now give me 2 more bottles, cause you know it don't stop. Hell yeah, drink it up. At the crib, this is how we live every single night. that bottom to the head and let me see you fly. Bon dimanche à l'écoute de Fun Radio, je m'appelle Anto, en direct avec vous jusqu'à 14h. Plein de surprises et plein de bonnes choses au programme. Britney Spears, c'est ce que je vous cale pour bien démarrer le week-end. Felix Jen et Bonfire, c'est une grosse bombe. Et ça arrive juste après Môme et Aloha sur Fun. Bienvenue. Something more.